au rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Niro. Et c'est parti, coup d'envoi pour cette grosse semaine. Je sais qu'elle est attendue, je vois tous vos messages qui défilent, et ce qui paraît d'ailleurs depuis très tôt ce matin avec le hashtag Niro sur Skyrock. Ouais. Il est là, il vient d'arriver en pleine forme avec toute l'équipe de Street Lourd aussi. Moscou, Mista Flo, Teddy Corona qui raccroche. On peut donc attaquer ce Planète Rap. Comment ça va? Mon petit loup, ça va, hein? Ça va, Niro? Miraculé dans les bacs, alhamdoulilah, miraculé dans les bacs. Street Lore est dans la maison, on vous met bien la famille, on vous met on bien. On est là. Bon, est-ce que t'es content? Est-ce que tout va bien? Alhamdoulilah, tout va bien, voilà, ouais. On est là. L'album, il est sorti, numéro 1 sur iTunes. J'ai plein de retours. Et bah, moi, je vois aussi, ouais. Depuis vendredi, ça arrête pas. Donc, grosse dédicace à ma Dream Team. N.I.R.O. Qu'il y a une grosse attente comme ça. Donc c'est le dernier de la trilogie. C'est le dernier de la trilogie, c'est le début de ma carrière, mon ami. Ça c'est le premier album. Donc ça c'est l'album, ça marque le début de ta carrière. Exactement. Il y avait, c'est vrai qu'en 2012 c'était Paraplégie qui était sorti. Ouais. 2013 Rééducation. Ouais. Et donc 2014, toi tu sors à chaque fois au mois de juin en plus. Bah à comme j'ai pu l'expliquer, j'ai pas souvent le choix, mais apparemment ça me porte bonheur, donc vas-y. C'est un mois qui te va bien, le mois de juin. Ouais, exactement, jamais 203. Voilà. Et puis ça a conceptualisé le truc aussi, tu vois. Bah, ouais, exact. Donc comme c'était une trilogie, les trois ils sont sortis en juin, voilà, ça leur donne une cohérence un peu, tu vois, les gens ils vont tourner avec cet été, Inch'Allah, on vous met bien la famille. Bon bah dites-nous d'ailleurs, quels sont vos morceaux préférés? Il y en a déjà plein qui l'ont acheté aujourd'hui ou voilà, qui l'avaient précommandé déjà depuis un sacré moment, qui l'ont reçu aujourd'hui. Dites-nous vos morceaux préférés, vous les balancez 41759 avec le hashtag Niro sur Skyrock. Yeah, on va revenir un peu rapidement aussi sur ta carrière dans quelques minutes, puisque même si c'est mini carrière, mais on est là, on s'installe. Même si c'est le début, il y a quand même eu un beau passif déjà. Ouais, déjà, il y a des classiques derrière, d'après certains. Eh ben, je crois qu'on peut le dire maintenant, on peut en parler. Hein. Bah, alhamdoulilah, moi je me sens bien, voilà, je suis content d'avoir autant de gens autour de moi, des gens fiables, des gens vrais, t'as vu. Les gens qui achètent mes CD, paix à vous tous, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est beau, c'est une belle aventure qui m'arrive et je remercierai jamais tout le monde suffisamment, tu vois. Comme je l'ai dit souvent. Non, je disais, on en parlait un instant, c'est vrai qu'il y a certains morceaux classiques. Tu sais quoi, on a fait un petit medley, alors on n'a pas pu tout mettre. Ouais. Mais un petit medley, voilà, on est revenu sur ces quelques années en arrière de ta carrière ou de ton début de carrière. Ah, c'est bien ça. Et ça donne ça. Très bien. N-R-O Skyrock Maghrebi. Ouais, miraculé dans les bacs le 9 juin. Aujourd'hui, Zulu. La crème des crapules et des cassos. Les MC crash du sang, j'rache des poissons. Un Picasso. Bello, il reste Bello. On est là, y'a rien, y'a foi. Kennedy, des longues bitch. Gucci. Clique pas sur mon son sale but si tu kiffes pas. On est fier d'être ce qu'on est. D'exception. Viens de nous, Zoulou. On a pas grandi dans la soie. Même si on a eu des peines. Dans les bottes. Y a eu de la joie. C'est doux. Zoulou. J'arrive. On sait comment faire. Pour faire plaisir aux gangsters. Cousin, lève ton verre. On arrive. Ouais. On sait comment faire. Pour faire plaisir aux gangsters. Cousin, lève ton verre. On arrive. Skyrock. La mort ou Dieu. Ouais. La mort ou Dieu. Kadoza. La mort ou Dieu. Thérapie. La mort ou Dieu. N.I.R.O. Ad personnel, c'est que du business. Voilà ce petit aperçu rapide, concentré des sons de Niro. Bon, énervé hein, ou pas? Tu vois, on parlait de et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Et il y en a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres. Et puis il y en a encore plein d'autres qu'on va découvrir cette semaine avec cet album miraculé qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ouais, dans les bacs depuis aujourd'hui. Numéro 1 sur iTunes. Bon, là, on vient de se faire doubler par la bande à Renault, apparemment. Ouais, à ce qui paraît, la bande à Renault est passée devant. La bande à Renault, apparemment, ils sont chauds. Donc, Ah, il y a la bande à Renault qui est. On est niqué, la bande à Renault, nous. Attends, ils connaissent pas la Zup de Blois, quoi. Ah, cousin. Attends, s'ils connaissaient la Zup de Blois, ils repartiraient en arrière tout de suite, quoi. Ah, cousin, la bon, Zup ben... de Blois, paix à tous mes chéris qui m'écoutent là-bas. Et j'ai un petit message à faire passer. Parce vas-y, j'ai Niro. Des grosses dates qui ont été annoncées, là, aujourd'hui. Donc, alors, je voudrais signaler à tous les frères et sœurs de France que je serai à Lyon le 26 novembre, que je serai à Marseille le 27, et pour tous ceux qui me réclament sur Paris depuis le temps, je serai au Bataclan le 28 novembre, Inch'Allah. Donc je vous donne tous rendez-vous au Bataclan, venez nombreux. Les places, on peut les prendre les places, ça sont déjà. Vous pouvez les prendre dès maintenant. Roulez. Donc dépêchez-vous, parce que Bataclan, ça va aller très vite, à mon avis. Hein. Et ça va aller très vite et ça va aller très fort surtout. Parce qu'on vous prépare un vrai show. Ça fait plus d'un an que je tourne. J'ai rodé mon show. À partir de là. J'invite tous les frères, vous verrez. D'ailleurs, tu as tourné partout, les sœurs, sauf à Fleury-Mérogis. Eh ouais. J'ai vu ça, j'ai vu que t'étais un peu énervé, j'ai vu ton tweet. Bah, en fait, c'est, non, même pas, je suis pas énervé, c'est juste, voilà, je suis un peu victime de boycott. On m'accuse d'être sexiste alors que les trois quarts de mes fans, c'est des femmes. Donc, t'as vu, j'en suis même venu à me dire que je vais faire un concert que pour les femmes, comme ça, à Fleury-Mérogis. Comme ça, on va vous montrer à quel point on est sexiste. Je voulais aller à la mairie avec 3000 meufs et tout. Mais j'avais peur des débordements, que ça fasse des problèmes aux gens, donc j'ai pas voulu le faire. Ouais, mais... grosso modo, c'est le maire qui, pourtant, a merdi vers gauche, qui a annulé le concert en disant que. Et pourtant, il est de gauche, hein, ouais, c'est bizarre. Tu donc, corresponds voilà. pas du tout à ses valeurs et que tu véhicules un message d'irrespect qu'il ne cautionne pas. Je peux vous. Si, donc je vais finir par ça, sur ça, parce qu'on n'a pas besoin de polémiquer là-dessus, j'ai pas besoin de ça. Donc je voudrais simplement dire aux gens que lorsque des hommes politiques ou autres, ils essayent d'imposer leurs idées sous prétexte que soi-disant pour eux on est sexiste, à partir du moment où on cherche à imposer des idées aux gens, ça s'appelle une dictature. Donc voilà, moi j'en ai un peu rien à foutre. Je suis un peu dégoûté pour les gens que je voulais rencontrer là-bas. Bah, c'est surtout ça, ouais. C'est surtout dommage pour les jeunes, parce que ça fait des mouvements pour les jeunes, mais au final, bah quand ils se font pas, bah les jeunes ils font quoi? Et bah ils restent en bas de chez eux, et voilà, hein, t'as vu. Bon, bah, moi j'essaie en tout cas de véhiculer le plus de messages pour les femmes, de bons messages. Plutôt, tu vois. Et la plupart du temps, c'est mal réceptionné ou ils le mettent pas en valeur. Et lorsqu'on dit pute ou salope, qui sont des mots qui sont courants maintenant, ils sont même dans le dictionnaire, tu vois. Bah, au final, on m'insulte de sexiste, voilà. Donc, paix à toutes les femmes, on a des mamans, on a des femmes, on a des sœurs. Paix à toutes les femmes qui me supportent. Et voilà, c'est dommage. Et je conseillerais donc quand même au maire de se pencher un peu sur la trilogie, notamment sur le dernier album. Surtout, hein, sur le dernier album, j'ai fait un morceau pour les mamans et c'était bien avant de savoir que j'allais être boycotté. Donc j'invite monsieur le maire à écouter ce morceau pour les mamans et j'invite monsieur le maire à écouter Fier de nous aussi. Voilà. Qu'il fasse un petit tour sur la discographie de Niro, il pourra peut-être se renseigner avant de faire un petit coup de pub, parce que le coup de pub est pour lui aussi, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être pour lui. Puis même, t'as vu, j'ai l'impression que c'est la banlieue qui a mis la gauche en haut, mais que la gauche, elle est en train d'enculer la banlieue, tu vois. Donc peut-être pas partout, mais c'est vrai qu'on on va pas s'attarder, parce que moi je suis pas très politique, je suis là pour un album, pas politique, on est là pour l'album, c'est voilà, vrai. Voilà, exactement, mais je trouve ça dommage que les médias ils relayent ce genre d'informations alors qu'ils relayent pas la sortie de mon CD. Donc voilà, à partir d'un moment quand on voit que les médias et que la politique ils prennent parti, moi je trouve ça pourri de dicter aux gens ce qu'ils doivent écouter, ce qui est bon ou pas, c'est son avis personnel. Et si ils pensent que je me trompe, bah qui demande à toutes les femmes qui me supportent, et voilà, qui demande garde la pêche dans sa circonscription, qui fasse un tour. Voilà, et qui garde la pêche et qui avale le noyau et il connaît la suite. Bon, on va écouter le morceau. Tiens, on va revenir plutôt sur la musique, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Exactement. Ton album miraculé dans les bacs depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, j'invite tous les frères et sœurs à aller le chercher, parce que souvent on dit ouais le rap machin, mais c'est vous qui faites les disques d'or. Donc c'est à vous d'aller chercher les CD, c'est à vous de le porter aussi haut que vous pourrez. Moi j'ai fait un album sincère, je suis resté moi-même, fidèle à mes convictions, je suis resté vrai, enfin je pense que je suis resté vrai. Donc voilà, j'ai donné mon maximum, j'ai été entier, donc j'espère que les gens ils porteront le projet aussi haut qu'ils le méritent, tu vois. Et bah c'est bien parti pour cet album, on écoute un extrait, je prends sur moi. Ouais, allez, prends sur moi. C'est parti, Niro, toute la semaine il est dans Planet Rap. Miraculé dans les bacs. Hey. Je prends sur moi. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Les yeux qu'on jette en vie. On voit même plus passer les saisons. Comme si père de famille qui a aucun loi sur ses mots. J'en ai plus rien à foutre. Savoir qui a tort ou raison. Le caractère est très fort, mauvais tempérament. Même si souvent je tords, j'essaie de me tromper à mort. Aujourd'hui miraculé, mais gros je guéris salement. Je vois leur chatte qui fait des bulles quand je passe en berline allemande. J'ai pris mon temps, je suis resté constant. Content ou pas, on connaît la pente quand là on monte. V'là le temps passé en voie, à balourder la jumpa. Alourdir mes péchés, faire du mal à mes semblables. J'ai pas pris du poids, j'ai pris sur moi, poteau pris pour moi. J'écoute personne, tout le monde est sournois, je suis devenu sournois. Ils me boycottaient, j'écoutais leur speech. Ils sont envie, j'ai refusé leur pipe. En vrai, je préfère me couper la bite que me faire sucer par ces bitches. Nous, c'est comme face et pile. Ils pensent avoir tout vu avant d'avoir passé le pire. Tes rappeurs seront là où je suis dans 10 piches, ils courent assez vite. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Et se plonger dans le vide. Miraculé dans les bras, Zoulou. Passer les saisons. Je prends sur moi. Street lourd. Comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plus rien à foutre. Savoir qui a tort ou raison. Je comptabilise les échecs, j'en ai fait des victoires. Impliqué dans v'là les histoires, je m'étonne pas d'être critiqué. On aura ce qu'on méritera. J'oublierai pas quand ces salopes m'ont fermé les portes. J'ai rafalé leur double vitrage. Je passe d'hôtel en hôtel, transit de ville en ville. Je rencontre les frères et sœurs qui m'aiment parce qu'on a la même vie. Des barres de rire comme on m'interpelle. Des braqueurs à mes concerts, recherchés par Interpol et risque la perpète. Chez nous des crises de rire aux crises de nerfs. Pourtant y'a qu'un pas. Tu m'atteins pas quand tu m'allumes dans le dos. Gros tu m'éteins pas. J'ai de la grégousse dans ma suite. De la suite dans les idées. Des idées par la suite. Ma carrière, je suis resté fidèle. A mes soldats, je suis toujours fidèle à ma clique. Miraculé, miraculé seulement pour parce que je suis fidèle à ma street. Je perds patience comme les règles qui tournent après la terre. Je prends sur moi, j'attends mon heure. Mais ça commence à faire long. On changera pas la face du monde juste avec des miraculé mots. Et se plonger dans le vide. Dans les bras. Pour ne plus passer les saisons. Hey, comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plus rien à foutre. Savoir qui a tort ou raison. Sur moi, cousin. Je prends sur moi, miraculé dans les bacs. Miraculé. Street lourd, N-I-R-O. Et à tous les vrais qui soutiennent. Et à toutes les sœurs qui soutiennent aussi. Yeah. Miraculé. Miraculé. Miraculé. Ouais, ouais. Je prends sur moi. C'est Niro, notre invité toute la semaine. Je prends sur moi, c'est extrait l'album de cette trilogie. Troisième album donc pour Niro, Miraculé. Mais le début de ta carrière. Mais le début de ma carrière, voilà. Inch'Allah, espérons qu'il y en aura d'autres. En tout cas, j'espère que les gens ils vont me donner la force d'en faire d'autres, tu vois. Donc, Bah là, pour l'instant, t'as vu tout les nombres de messages qui arrivent. Ouais, ouais, bah je vois ça, voilà. Ça fait grave plaisir, frère. Voilà. Niro sur Skyrock, le hashtag. Continuez à envoyer vos messages. Vous voilà, Dream Team, N-I-R-O, Zulu. Donc Niro, si on revient, si on fait un petit tapis. Attends, je vois marqué Niro, arrête le zdeh, wesh. Oh, toi aussi. Tu veux pas t'occuper de ta vie, imbécile. Toi, arrête l'internet, détape. Envoyez vos messages au 41-709. Je disais Niro, à l'origine, évidemment, donc toi, tu viens de Blois. Ouais, ouais. Jupe de Blois, t'as fait partie d'un groupe. Hello. Et avant de rencontrer l'équipe de Street Lourd qui s'appelait Les Insurgés. Il s'appelle Insurgé. Il s'appelle Insurgé. Ouais, voilà. C'est accompagné de mon pote Koro, mon ami fidèle de toujours. Voilà, père mon pote chinois, mon pote Nino Bonne qui sont là aussi. Il y a Nino Bonne, il est sur mon prochain album là, sur Miraculé, sur le morceau Fourmi avec Koro aussi qui fait partie d'Insurgé. Ouais, voilà. Et Insurgé, c'est ça, tiens, si on va avoir un petit aperçu musical, c'est ça Insurgé. Qui veut faire du bif en 2010, hein? Qui va te mettre des gifles en 2010? Ça c'est pas toi là, Jacques, t'es comme si t'existais dans le jeu. Pas là pour bluffer ni inciter le petit récit, t'es dangereux. Ouais, ouais, street lourdeux, mon ami. Bordel de putain de Mercedes. Benz, dernier modèle. Il est chelou, ce fils de pute, chez qui vend ta cesse. 5 minutes après, il tire la main, ou il desserre les fesses. Tu vas lâcher le reste, bientôt ils vont convoquer la presse. Ils ont le seum-seum. Même si tu roules en R, ça. Enculer ceux qui veulent nous voir enculer. Allez tous vous faire enculer. J'ai dégoûté quand je vais éjaculer. Ouais. Sur la vie de ma mère cette année, je vais tous les tarter. A vos marques préfets, j'éjecte. Chez que t'as le seum, Zoulou. Tu te reconnais? Donc ça c'était en 2010, c'était sur Street Lourd 2 justement. C'était sur Street Lourd 2, voilà. Mais il y a eu d'autres morceaux avec mon pote Koro. Par exemple sur Pas de blague dans mon équipe, dans Rééducation, il a posé avec moi. Donc ça c'était un morceau insurgé. Mais Koro, je vais vous l'emmener petit à petit, j'en ai plein d'autres. Comme je dis dans l'album, j'en ai 3000 comme ça. Et que des assassins qui méritent qu'on mette le doigt sur eux. Paix à Nino Bonne, paix à Okimiao, c'est à Jaco, paix à tous les frères qui sont là, qui galèrent en bas et qui, Inch'Allah, on viendra mettre le doigt sur eux. Non, mais si on a choisi cet extrait, c'était aussi pour revenir sur l'aventure. Aussi. Sur l'aventure Street Lourd avec Corona, Moscou, ouais. avec Mistaflo. C'est vrai que c'était une belle rencontre pour toi. Ouais, ça a été un peu une rencontre décisive, on va dire, tu vois. Moi, là-bas, je comptais pas faire carrière, je comptais pas faire plus que ça. Voilà, j'aimais bien le rap, mais j'avais conscience que c'est des années de travail, etc. Et que c'est pas comme ça qu'on arrive au sommet, tu vois. Toi, c'est un truc justement que t'as appris au fur et à mesure que c'était aussi du boulot, donc il fallait être. Ouais, je me suis pris la tête. Voilà, quelque part un peu discipliné. Là, aujourd'hui, je peux te dire, ouais, moi, je suis pas trop discipliné, je pour sais. Être franc avec toi. Les gens, ils me connaissent, de toute façon, tu vois. Mais à la bien, j'ai travaillé, j'ai mis ma tête dedans, je me suis acharné, j'ai galéré sa mère à faire 4 projets, parce que c'est pas le 3ème en vrai, c'est le 4ème, j'ai fait une réédition aussi. Sans compter tous les featuring à droite à gauche, on peut dire que j'ai au moins 6 albums qui tournent dans les bacs en vrai, mais bon. Et donc ouais, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement et surtout beaucoup de patience, parce qu'on nous prend pas au sérieux, parce que là il faut qu'on se batte et que voilà, et ça rend la victoire que plus belle en vrai, donc alhamdoulilah. Mais je vois aussi d'ailleurs sur l'album tu fais des dédicaces pour que ce soit pour les 3 membres de Street Lourd. Ouais, des dédicaces corona, l'homme du turfu avec des lunettes du turfu. C'est vrai. Non mais écoute, c'est des lunettes de vue, mais je l'ai pas vu depuis un petit moment, toi, les lunettes. Ouais. Qui arbore une nouvelle coupe. En vrai, Rista, ils veulent piner en vrai. Là, lui, il a 27 ans aujourd'hui. Il a eu 27 ans. Lui est 28 aussi. Donc voilà. Mista, il a 17 ans. Mista. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est un gros bébé, Mista. Non, mais c'est cette rencontre, un petit mot aussi de vous trois d'ailleurs sur Niro, quand vous le voyez progresser au fur et à mesure. Bah écoute. Même là, sur cet album Miraculé, est-ce qu'il y a un moment quand vous l'avez signé, vous imaginiez un petit peu cette suite? Écoute, hein, t'as vu, quand on l'a signé, on se disait, putain, le mec, il a un niveau de ouf. Et voilà. Donc comme d'hab, au début. Voilà, il y a un peu personne qui y croit autour, personne n'y croit, et puis tout doucement le truc il change, et les avis ils changent, et nous on était sûrs de nous. On savait, nous gros. Tu vois, on était sûrs de nous. Donc un peu, il y a rien de nouveau, mais en même temps ça fait toujours plaisir. Et ça rassure en même temps que voilà, on se dit on s'est pas trompé, et voilà là. Et là on est super content, super fier et tout ça quoi. NRO, Zouk de Blois. Parce que tu voulais dire quelque chose ou pas? Mais c'est ça, nous on savait, hein, dès qu'on a entendu, on a su que le gars était fort et qu'il pouvait aller loin. Donc on a fait en sorte de le pousser jusqu'à là. Hein, voilà, c'est ça. En fait, le combat qu'on a fait, c'est simple, c'est d'y croire. Et jusqu'au bout, voilà, on a fait plein de rendez-vous avec des maisons de disques qui nous ont rionné, tu vois. Et voilà. Et nous, on rigolait aussi. Et maintenant, c'est nous, on rigole. Et là, maintenant, on rigole. Et c'est que le début, comme il dit, Niro. C'est le début de sa carrière. Début de la carrière. Voilà, c'est tout. Bon, en attendant, cet album est dans les bacs, qui s'appelle Miraculé. Qu'est-ce qu'on met, messieurs, de l'album? Moi, j'ai bien envie de mettre une petite exclue pour tous les frères et sœurs qui envoient des messages là-haut, Niro sur Skyrock, mon ami. Donc, ennemi. Ennemi? Ennemi? Ennemi? On balance ce morceau. Ouais, mais après, viens, mais regarde le côté Moscou. Ouais, on va donner une autre. Non, parce qu'en vrai, ce soir, il y a 2 exclus. D'accord. On est d'accord. Donc, vas-y, envoie, t'inquiète même pas. Ouais, parce qu'il veut arriver plus énervé encore. Moi, ennemi, c'est un peu plus à la cool, plus calme. Ouais, lui, il veut qu'on insulte tout le monde direct. Donc, vas-y, envoie. C'est extrait de l'album Miraculé. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Si vous l'avez, tiens, dites-nous vos morceaux préférés avec le hashtag Niro sur Skyrock. Il est là toute la semaine. Au nom du père. du fils. Miraculeux, N.I.R.O. On est loin de l'époque où je faisais les fils. Hein. Dans les box Zoulou, on va le chercher. Frère, Liro, N.I.R.O. Street, lourd. Donc laisse le poids. Teddy Corona, DJ Mosco, N.I.R.O. Mister Flow, baby, baby, Anderson, je te vois, mon ami, garde la santé, poteau. Fils de pute, sors ton album, je le pisse dessus. Depuis mon arrivée, la concurrence n'existe plus. Je suis le cheval sur quel on mise le plus. Zoulou. Laisse-les parler, laisse-les faire. Perce les vrais, j'ai pas percé frère. Persévère, gagne toujours quand je suis censé perdre. On va t'allumer comme prospère. Pour nous y'aura pas de grosse paire. Pas de repère pour les sales gosses perdus. On prépare notre coup, laisse le brincos faire. Laisse le brincos faire. Tu me verras plus sur la stratosphère. À force de sucer, avaler toute la terre. Manger du riz ou des pathosphères. Inventer mes points maintenant ta terre. Toi t'es sérieux. C'est ton putain de flow par terre. Tu prétends faire mieux, t'es pourtant pas vieux. T'as plus de souffle mais tu manques pas d'air. Admené, je suis pas ton idole. Nage j'éteins, j'arrête pas de m'isoler. J'arrête pas de m'isoler, j'arrête pas à rigoler. Tes masques qui sortent de mon cerveau brûlé. Dehors on m'a dit N.I.R.O. tulé. Fais ce que t'as à faire, qu'ils aillent se faire enculer par Lucifer. Y'a trop de drive, faudra s'y faire. En vrai, faut que leur mère et leur petit frère tulé. Qui nous respecte pas, ça c'est leur problème. Moi le mien c'est faire de l'oseille. Viens donc voir forcément, fils, les hommes les plus confortables. T'inquiète même pas. Encore heureux dans mon putain de cerveau, on est encore stable. T'inquiète même pas. Toujours un sort d'un poil calibré. Pas besoin de port d'armes. T'inquiète même pas. Arme de guerre. Quoi? Arme de poing. Quoi? Abordable. T'inquiète même pas. On croit tout savoir en terre et terre. T'inquiète même pas. On va créer tout leur intérêt. T'inquiète même pas. On saute pour les enfants terre. T'inquiète même pas. On saute sur le PFL. T'inquiète même pas. Miraculé dans les bois. T'inquiète même pas. M.I.R.O. T'inquiète même pas. Je regarde que les comètes. T'inquiète même pas, Zoulou. Quand je dis que je suis meilleur que toi, je fais juste un constat réel. Mon flow a fait des beaux enfants, leur mère la pute refuse de faire un test ADN. Salutations, je me présente plus. Quoi? J'ai marqué mon temps, je sais qu'ils sont pas contents. Cette pute m'a dit qu'on m'entendait plus. Yeah. Mais qu'on m'attendait plus que ce putain de beau temps. À trop vouloir faire le mec à tout chlap, mon chlass. Va t'arracher tout ton char, mon chat. Pas dans le même genre de jungle urbaine. Pas les mêmes guerres, pas le même genre de chat. Yeah. L'argent fait pas le bonhomme. Crois pas que t'en es un parce que t'en fais plus. Tu veux ma chute? Mets-toi dans la file d'attente. Ou nique ta tante, la haine des putes. Bientôt il sera trop tard pour négocier. Ils sont pas contents de voir N.I.R.O. briller. Fais pas la bise en montant. Prends ton bif en même temps. Va en plein d'investir dans l'immobilier. Ouais, yeah. J'ai assumé tout seul. Pour toutes mes stories. Ben, vive. Tous mes amis sont vulgaires. Vive. Fuck tous mes ennemis. Ben, vive. S'enchaîne les séries pour et les séries. Vive. Sans domicile et sans idée. Fils, N.I.R.O. sans hésiter. Fils. Juste à 16, elle a envie de fil. La rue, la vraie, je sais qu'elle était infidèle. Ouais, ouais. Ça m'a ils sont des terres bizarres. Ouais, ouais. Un couche-là dans les ligaments. C'est plus des gangsters, évidemment. Pas forcément, fils, les hommes les plus confortables. T'inquiète même pas. Encore heureux, dans mon putain de cerveau, on est encore stable. T'inquiète même pas. Toujours un sortable. Pour être calibré, pas besoin de port d'armes. T'inquiète même pas. Arme de guerre, yeah. Arme de poing, yeah. Abordable. T'inquiète même pas, Zoulou. Ça va en tête. T'inquiète même pas. On va créer tout leur intérêt. T'inquiète même pas. On saute pour les enfants terres. T'inquiète même pas, Zoulou. On saute sur le PFL. T'inquiète même pas. Ils veulent savoir combien on pèse. Miraculeux. On est vraiment on pèse. T'inquiète même pas. L'ampleur que les comètes. T'inquiète même pas. Le nom du père, du fils et du saint bénéfice. Donc le game depuis on est loin de l'époque où je faisais les fils. Hey, je suis malhonnête. Malhonnête, malhonnête. Pour parfois tous les ventilos. C'est malhonnête. On les a mais... malhonnête. Donc laisse les parler. Un peu à tous les frères incarcérés. Je n'oublie pas. C'est malhonnête. Gigi. Yeah. Peter. C'est où, Peter? À tous les rails de Bello, Marcel Paul. T'inquiète même pas. T'inquiète même pas, cousin. T'inquiète même pas à l'instant. C'est... D'ailleurs, c'est le morceau qui ouvre l'album, celui-ci. Pour ça, c'est pour ça que t'étais chaud au Moscou qu'on le balance tout de suite, celui-ci. Énervé ou pas? Énervé. Ouais. Très énervé, ça, celui-ci. Ça annonce la couleur direct. C'est ça. Il annonce la couleur direct. Celui-là, il est arrivé quand dans la construction de l'album? Au début, t'étais dans cet état d'esprit ou... Ouais, je l'ai fait au début, celui-là. Au début? Ouais, au milieu, on va dire. Ouais. Et le fait qu'il s'impose en première position sur... Parce que je le kiffe, parce qu'en vrai, la prod, je l'ai fait avec mon poteau Genius. Gros big up à lui, d'ailleurs. Et voilà, j'ai fait la prod avec lui sur mesure, comme je l'aime. Et voilà, ça donne des morceaux de folie, ça. Avec de bien la punchline, voilà. Ouais, voilà. Moi, j'aime pas trop ce mot punchline, tu vois. Après, ouais. T'as vu, c'est un mot qui est péjoratif, un peu. Ah oui? Ouais, je trouve. Punchline, c'est même pas français déjà. alors tu dirais quoi, Niro? Moi, et pour moi, quand j'écris ma réalité, j'écris ma vie. Je cherche pas forcément à mettre des punchlines ou à marquer les gens. Non, mais quand tu dis punchline, gens, tu cherches. Là, tu sais, la phrase intelligente, l'allitération. Non, mais pas ça, mais tu cherches la phrase choc, voilà, parce qu'on est dans un. Ouais, non, même pas, encore une fois. De toute façon, la vie, elle est choc, cousin. Moi, toutes mes phrases dehors, elles sont choc. Comme toutes les phrases de mes frères qui sont autour, c'est eux ma plus grande inspiration. Tu vois? Donc, moi, je cherche pas. Là où je cherche à percuter les gens, c'est surtout quand je fais des morceaux introspectifs où je parle de moi et que je me livre un peu plus. Là, ouais, j'aimerais que les gens soient un peu plus touchés par ces morceaux-là et qu'ils se rendent compte de la valeur que ça a aujourd'hui, vu que les gens, ils font que de l'ego trip de mes couilles, tu vois. Donc, voilà, j'essaie de porter des morceaux comme Mama, comme Chacun ses raisons, comme Perdu, comme plein de morceaux comme ça que j'ai pu essayer de porter dans le passé, tu vois. J'espère que les gens se rendront compte de la part de moi que j'ai laissé dans cet album, tu vois. Bon, alors on va éviter le terme punchline. On va parler de textes et de morceaux. Moi, je préfère qu'on englobe le morceau. Un morceau, c'est pas une phrase, c'est pas trois phrases, c'est tout le morceau, tu vois. T'as, d'ailleurs, on fera demain un petit jeu, un petit quiz avec tous tes morceaux. En tout cas, voilà, des phrases important de ta discographie. Ouais. On jouera peut-être avec quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est intéressé pour jouer avec nous demain, vous envoyez un message 41759 pour le jeu quiz Niro, 41759 ou avec le hashtag Niro sur Skyrock. On fera ça demain. Et dans quelques minutes, on va revenir. Tu fais un live aussi ce soir, hein, Niro? Ouais, normalement, il y a un petit live. On va faire Viva Street en live pour commencer à la cool. Très bien. En plus, il y a des amateurs de Viva Street dans la salle. On les voit. Hein. On vous voit, les amateurs. Et même derrière Radio, on vous voit. Viva Street, petit cochon. Ça arrive, c'est avant 21h. On revient dans un instant avec Niro et l'album Miraculé qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui. Comme toi, Niro a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planet Rap avec Niro. Ouais. Yeah. Nous sommes en train de fêter la sortie de cet album. Et là encore, c'est rien. Attends, le reste de la semaine, tu vas voir. Et autant dire que tu sais recevoir. Exactement, mon petit loup. Normalement, c'est vous nous recevez. Hein. Je sais, mais là, tu nous as très bien reçus à la maison. Bon, bah, on va dire que dans la semaine, ce sera à votre tour. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et on va passer une belle semaine. Je pense que chaque soir. Je vais vous présenter ce soir. Oui, Fred, tu veux présenter quelqu'un, vas-y. Je vais vous présenter. Vas-y, revenons sérieusement sur la musique. Celui qui d'après moi, va soulever le rap en l'air. Il s'appelle Nino Brown. Vous pouvez le retrouver sur mon album Miraculé, dans le morceau Fourmi avec Goro. Allez l'écouter, vous allez voir le niveau, et c'est rien du tout encore. Avec ce qu'on vous prépare, vous allez tomber dans les pommes, mes très chers amis. Voilà. Et bah, bienvenue. Nino Brown est là dans la salle. Avec mon pote chinois, Mimo, Cortex, big up à tout le monde, tous les rails qui sont là, De Fouzer, Bibizer. Donc on sait que t'es sur l'album de Niro. Tu veux nous faire un petit CV Express d'où tu viens, ce que t'as sorti, ce qui... Lui, il a rien sorti. Ce qui va sortir. Je suis nouveau. J'ai le rap, je viens juste de commencer, tu vois, je viens juste de me lancer. Et puis après, j'ai pas de CV spécifique. Ouais, elle a pas de CV particulier. Mais c'est déjà lancé sur ton album. Ouais, voilà. Et mon frère, attends, cousin, c'est le petit frère. Je le connais depuis qu'il est petit. Je le savais même pas y rapper. Je suis rentré dans sa voiture. Il m'a traumatisé. Je l'appelle Tupac, moi, le petit. Voilà. Je l'appelle Tupac. Donc voilà, aujourd'hui, il mérite d'être sur l'album. C'est un grand garçon. Il a 23 ans bientôt, je crois. T'as déjà 23 ans? 24. 24, mon frère. Il est là. Il a plein de choses à dire. Et Mohim, là, pour l'instant, J'attendais d'être installé pour pouvoir vous ramener des jeunes et que vous puissiez mettre un peu l'œil dessus, parce qu'on est là pour ça aussi. Et je l'ai toujours fait sur mes projets d'ailleurs, je n'ai que des mecs de chez moi pour la plupart. Mais là, je vais me pencher sur eux et faire un vrai projet, Inch'Allah. Donc Nino Bon, il fera partie de ces projets-là. Et vous inquiétez pas, il va vous faire très très mal. Nino, tu veux leur dire un petit truc? Ouais. Faut acheter miraculé, c'est tout. C'est ce qu'il y a à dire ce soir. C'est bien. Acheter miraculé. Écoute, c'est clair, bien. Net et précis. Voilà, ça, c'est des frères, ils sont là depuis le début. Il y a mon pote chinois qui est là, c'est mon ami d'enfance. Ouh, voilà, donc, chinois. Donc, on a toujours les Cortex, Mimou. Toujours, ils sont là, il n'y a rien. Soussou, Vara, pour les mecs qui sont pas là, grosse tête. Soussou, donc voilà. Tous les mecs du. Bah écoute, donc belle présentation. On attend, on écoutera le morceau dans la semaine aussi. On passera dans. Voilà, paix à Ghetto Click, paix à tous les frères qui rappent. C'est un morceau qui s'appelle Fourmi sur l'album Miraculé. Exactement, Fourmi. Ouais, Bézère, t'inquiète pas. Et je voulais passer une petite dédicace au placard à mon pote Coco, je sais qu'il m'écoute. Coco, garde la santé, voilà, t'es pas tout seul, t'inquiète pas, mon sauce. Père Biba, Siro, tous ceux qui sont avec lui. Père mon sauce d'Arsaï, garde le moral, frère. Voilà, je suis avec toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, y'a rien, on est ensemble. Voilà, père tous les frères on écoutera sont, le... qui sont incarcérés. Père à vous tous. Vas-y, envoie la sauce. Non, on va écouter le morceau ennemi dans un instant. Et juste avant, je vais te présenter quelqu'un de Garges. C'est Picoz par téléphone. Allo, Picoz. Ouais. Ça va bien? Garges les gonnes. Ah, petit problème de connexion. Il y a l'orage encore ou pas? T'as eu, t'as eu de la grêle ou pas? Forfait africain ou quoi, poteau? Allô, Picoz. Ouais, allô. Ah bah voilà, ne bouge plus, c'est parfait. Ouais. Tu connais évidemment Niro? Bah, qui connaît pas maintenant. Voilà, bien, cousin, ça va ou quoi? Bien, encore tranquille. Alhamdoulilah, c'est Picoz, c'est ça? Picoz. Ouais, Picoz. Ah ouais, pourquoi Picoz? Bonne question. Parce que c'est la street, mon pote. C'est la quoi? C'est la street. C'est toujours ça, Picoz, mon pote. À la bien, mon sauce. Et comment tu traduis Picoz, en fait? Ouais, ça veut tout dire, c'est un mot de chez nous. C'est un mot de chez vous, ok, du 9-5. Très bien, bah faut aller dans le 9-5 pour tout savoir. Paix à tous les rails de Garges. On t'écoute rapper, c'est parti, Picoz, session freestyle par téléphone, on y va. 95. Garges les gonesses. Ok, écoute, ça fait. C'est un juste la madré, direct on s'entarpé, dédicace à tous les départements et toutes les cités. On est ensemble, négro, ça jusqu'à la moitié. Tous les ennemis, bla bla bla, on va les plomber. Un get get c'est facile, pète c'est facile, je te taquine. Pour moi, game c'est trop facile. Groupe en braquage d'argent, on veut braquer monsieur l'agent. N'oublie pas la paire de gants, la grosse chatte madame l'agent. Je rappe, je trappe, pas de pacte avec le diable. Non, je suis déjà à l'attaque et dans mon dos, rien que ça jacque. À causer avec les barrettes, on fait connaître le bitume. Toi t'as connu la vraie rap, t'as pas dû, mais qu'à l'amertume. J'aime bien faire des jeux de mots avec les noms de footballeurs. Plus tard, si tout se passe bien, j'aurai le même salaire qu'un acteur. Quand tu rappes, tu ris en rire. Avec ma compagnie, même menacerie. Si tu serais plus fort que moi, mais gros, je l'aurais déjà su. Moi, je suis toujours là. Toi, du game, t'es porté disparu. Et dans le game, t'as disparu. 9 mois, t'as toujours pas de concu. Donc, change de thème et change un truc. T'as une autre tête, la mets dans le cul. J'essaie d'améliorer mon vocabulaire, madame la juge. Mais va niquer ta mère. Dorme dans la banque avec le sourire du joker. Tout au tapis, je crois que je peux faire un coup de poker. Si j'aurais la calache, j'aurais déjà plus de 10 larmes en dessous des yeux. Faut que la concurrence les baisse tous ses yeux. Picoz à l'instant en freestyle, merci à toi Picoz. Ouais. Petit dédicace, on te retrouve sur le net aussi, c'est le moment. Vas-y, balance. Ouais, garde les gonnettes, dédicace à tous les raids, garde les gonnettes, mieux Titi, on est là. LMZ, tu peux me retrouver sur. Ma page officielle, Picoz, P-I-I-K-O-Z, ou sur Twitter, P-I-I-K-O-Z-G-A-R-G-E-E-S, Picoz Garges. Picoz Garges, merci à toi qui était en freestyle à l'instant sur Skyrock. Picoz, mon pote. On va écouter un morceau de Miraculé juste avant. Petite question pour repartir avec l'album dédicacé de Niro. Tout à l'heure, on a parlé d'un groupe, de ton groupe. On avait passé un extrait aussi. Ce groupe, il s'appelle Insoumis ou Insurgé. Petit 1 ou petit. Mais non, mais. Moi, je lui donne la réponse. c'est Insurgé, mon pote. Je vais gagner ton cadeau, on s'en bat les couilles. C'est comme ça, nous. Bon, on voyait quand même la réponse, hein. Vous l'avez, un indice de taille, de un petit indice. un tout petit. Donc, allez, le 1 ou le D, donc c'est insoumis ou insurgé. Mais pourquoi insoumis, c'est pourri aussi. Je suis obligé de. Tu vois, plus fort que moi, carrément. Eh, paix à toi, mon pote Coro, voilà. Coro, là on va les niquer. On passe avec la fumée. Allez, envoyez la bonne réponse 41-759. Et on écoute un morceau qui s'appelle Perdu maintenant en Iran. Ouais, perdu, perturbé. D'ailleurs, dédicace à ma femme, elle kiffe ce morceau, donc dédicace à toi, ma femme. Bah, une grosse dédicace et on écoute. Voilà, et fais-moi à manger, je vais pas tarder. Voilà, j'ai faim. Allah bien, perdu, perturbé. Allez, c'est la manadia, bam bam, mon sauce bam bam dans le cantar. Je sais que tu m'écoutes, enfoiré. Paix à toi, bam bam. L'ancien de la thèse. Miraculé dans les bacs, le 9 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, street lourd, on est là, y'en faut. Et à la Dream Team, je vous vois la famille, continuez à envoyer vos messages. N-I-R-O, Kenza, Moha, ouais, ouais. Je sais pas où tu vas, poteau, moi non plus, je suis perdu comme toi, je veux faire du rendement. Pour que nos fins de mois soient moins dures que nos vies, mon rêve, faut faire du changement. Je suis du père bon sol, on va voir au-dessus ce qu'on peut faire en dessous pour les rails du zoo. Je me vois en vacances, je me libère des zoos. Je perds des sous, je récupère du sous. Ne vois pas pourquoi autant de rapaces veulent prendre ta place, tu comprendras pas. Le trait en marche, qui nique sa grand-mère, c'est une grande race bas, nous on le prendra pas. La folie nous freine, pour qu'ils nous freinent, au sérieux, faut qu'ils nous craignent, pour qu'ils comprennent. On est tous prêts à prendre une grosse peine à Fleury ou Fresne. Pour le respect, déter comme Rina Toto. On leur a fait ruiner trop tôt. Mais de quoi toi tu me parles, toi proto. Ferme ta gueule, arrache-toi de l'auto. La gloire me sourit avec les dents chaudes. Malgré tout, je me suis pas fait du pain. Les étoiles montantes sont devenues filantes depuis que la lune m'a fait du pain. J'aurais voulu faire une merde. Pour cadrer le périmètre. Perdu, perturbé, instable. Comme un intérimaire. Je me soucie pas de ce que j'aurais pu être. Je suis la moitié de ce que j'aurais pu être. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Mon seul but c'est faire ce blé. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Mon seul but c'est faire ce blé. Je voulais le salaire à Eto. Ils m'ont dit faudra te lever tôt. Je me suis levé tôt, il caille sa mère. Y'a pas un euro dans le ghetto. Ma daronne m'a dit mon fils, soit tu tapes ou soit tu te bats. Moi je veux pas tes sacrifices. Je te l'ai déjà dit depuis le départ. Dis-moi qui va t'épargner l'enfer. C'est pas tes soi-disant frères. Qui sera là jusqu'au bout de ta peine. Quand t'auras pris 10 enfers. Même si je dois crever la dalle, je mangerai pas ton argent sale. Tiens, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai trouvé ça sous ton armoire. Je compte me nourrir avec ça. Moi j'ai pas accouché d'un sale chemin. Encore plus perdu depuis la mort de Mouima Rahma. Je suis du père comme un orphelin. Je fais confiance qu'à Dieu et à mon instinct. J'attendrai pas que tu prennes mes pattes. J'ai peur d'aucune de ces grosses cadres. J'aurais voulu faire une merde. Pour cadrer le périmètre. Perdu, perturbé, instable. Comme un intérimaire. Je me soucie pas de ce que j'aurais pu être. Je suis que la moitié de ce que j'aurais dû être. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Mon seul but c'est faire du blé. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Miraculé dans les bacs la famille. Mon seul but c'est faire du blé. Vrai pour de vrai. J'aurais voulu périmètre. La rue pour la rue. Pour cadrer le périmètre. Nique sa mère le reste pour tout. Perdu, perturbé. Miraculé. Comme un intérimaire. Je me soucie pas de ce que j'aurais pu être. Je suis que la moitié de ce que j'aurais dû être. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Eh oui, star. Mon seul but c'est faire du blé. Ouais, ouais. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Mon seul but c'est faire du blé. À l'instant, ce morceau qui s'appelle Perdu, tu vois, tout à l'heure, quand on disait tes morceaux, tes thèmes, la façon dont t'écris et qu'il faudrait peut-être s'y pencher un peu plus de temps en temps. Ouais, voilà, ça fait pas, ça, c'est des morceaux qui sont partis. J'aimerais que les gens, ils prennent un peu plus de, ils prennent un peu plus le temps d'écouter les morceaux et d'arrêter de parler de punchline ou de mes couilles, tu vois. Ah non, mais c'est bon, j'ai morceaux plus punchline et leur cette profondeur, semaine. Tu vois, parce que je me suis pas livré à moitié, j'ai pas filtré comme d'habitude, tu vois. Donc j'espère que les gens ils vont bien intercepter ces morceaux là. J'ai pas fait que des bangers, j'ai fait des morceaux d'album aussi. Parce que à un moment donné, si je fais comme sur me rééducation et sur paraplégique, je vais tourner en rond. Donc les gens ils auront toujours un truc à dire au final. Allez supporter l'album, allez le chercher. C'est l'album le plus complet que j'ai fait et c'est l'album aussi le plus sincère. Voilà. Paix à vous tous, perturbé. Niro, notre invité toute la semaine avec l'album. Est-ce qu'on peut faire le Viva Street maintenant? Moscou, est-ce que tu es prêt? Moscou, il était en train de siroter tranquille. Moi, j'ai peur qu'il casse le studio, tous les gens qu'il y a derrière toi avec Viva Street. Est-ce que vous voulez entendre Viva Street en live? On est là, y a rien. Vous êtes prêts? À la vôtre. D'ailleurs, paix à tous les frères sur Twitter et toutes les sœurs qui sont sur Twitter, qui envoient des messages. Je vous vois, Niro sur Skyrock. Paix à tous nos supporters, voilà. Orly, les 9-4. C'est parti, on t'envoie le live dans Planète Rap. Le morceau s'appelle Viva Street. Tu dis dur. Ouais. Et à tous les quartiers de province. Miraculé, à tous les chais à Marseille. Tous les chais à Grenoble. À Lyon, la famille, à Lyon. Ouais. Ah. 90 euros la pause. Viva Street. Bon pour la psychiatrie, trop de temps passé dans la piraterie. Je suis déclassé, y'a plus rien qu'une matrice. Y'a que la Hagra qui est fédératrice. À part quelques vrais que je respecte, je laisse tous ces fils de pute dans leur matrice. Le temps est passé depuis l'époque où je faisais des fauchés combats pour acheter mes habits. Aujourd'hui ces salopes font l'inque, sont prêtes à faire des combats pour venir sucer ma bille. Quelle ironie, y'a 10 piges. Cette pute faisait la belle devant nous. Maintenant assuste-t-elle mon équipe, qu'elle en a des croûtes sur les genoux. À part de grosses sommes, consomme que mes culs. Dans la cendrier, c'est chelou, t'es pas une cochonne. Mais ta chenelle qui a plus sanglier. Quelle ironie, des barres de rire. Ils sont à fond dedans, tellement mignon. Quelques clics, ils sont contents. On dirait qu'ils ont pété de millions. Mais ils se rendent pas compte, en vrai, que des attractions de la honte en secret. J'aimerais bien leur donner le pouvoir, juste pour voir ce qu'ils en font après. On est devenu ce qu'on voulait pas être, à force de miser sur le paraître. Les vrais disparaissent, on n'a pas la maladresse de s'allonger comme une aura mal agréée devant Valais. Tu crois qu'on joue? C'est chaud ma gueule. Ouais miraculé. C'est chaud ma gueule. 2014 on prend les rênes. C'est chaud ma gueule. Rivaliser à ça. C'est chaud ma gueule. Viva Street. Viva Street. Viva Street. 90 euros la passe. Viva Street. Le rap game c'est de la baisse. Viva Street. Hey Jean-Marc Frézil, le maire de Fleury, celle-là, le pas, mon ami. Sans raison. À parler de leur somme sans réserve. Quand j'arrive, ils me regardent chelou. Direct, je baise leur sœur pendant des heures. Y'a ta sale pute qui arrête pas de m'appeler. Les rappeurs, les taspés veulent m'attraper. Même si tu m'aimes pas, tu cliques quand même. J'ai plus d'ennemis que le bouscapé. Faut voir ce que la réussite te ramène. Que des ennemis sur la vie de ma mère. T'auras beau chanter la rue, mais la rue, ça fait ta mère. T'auras ce que t'auras, ça dépend ce que t'amènes. Ta bouche me parle, mais ton cœur me ment. J'arrive plus à faire de discernement. Y'a que les enfants qui sont innocents. Quand j'y pense, mon petit frère me ment. Car mes distances pour rester conscient. Ils m'invitent tous mon acharnement. On les respecte plus depuis longtemps. Comme les clowns du gouvernement. Ma folie, je suis pas responsable. L'ancien mari de ma daronne a coupé une jambe, j'avais même pas 12 cuits. Je revois le sang couler sur son sable. Donc, faut pas s'étonner de la folie des gens. Nous on sent pas les couilles de les gens. Je te le répète, y'a qu'un PD qui cherchera à savoir ce que t'as entre les gens. L'avenir est dans la broyeuse. La voix est trop racailleuse. Si je te raconte toute ma vie, la tienne va pas être beaucoup plus joyeuse. Tu crois qu'on joue? C'est chaud ma gueule. Miraculé. C'est chaud ma gueule. 2014 on prend les rênes. C'est chaud ma gueule. Rivaliser à ça. Chaud ma gueule. Viva Street. Viva Street. Viva Street. Viva Street. 90 dans la presse. Viva Street. Le rap game c'est de la baisse. Viva Street. 90 euros la poste. Viva Street. Eh celle-là c'est pour le maire de Fleury, Zoulou. Garde la pêche. Paix à tous les frères de Fleury, à toi. Ouais, HB, là-bas. Poto. Eh ouais, mon frère. Hamza, le mec du pont. Miraculé. C'est aujourd'hui dans les bacs. À l'instant. C'est en aujourd'hui live. Dans les bacs. Attends, frère. Vas-y, miraculé, vas-y. C'est aujourd'hui dans les bacs. Hamza, j'invite tous les frères et sœurs à aller le chercher. Soyez plus nombreux, l'union fait la force. Voilà, on mérite avec tout ce qu'on a traversé, tous les bâtons dans les roues, tous les boycotts qu'on a pu subir jusqu'à aujourd'hui. Alhamdoulilah, on est là et c'est grâce à vous. Donc paix à vous tous. Voilà, j'invite tous les frères et sœurs à aller chercher l'album. Si vous avez pas d'argent, téléchargez-le, on s'en bat les couilles. Paix à vous tous. Miraculé dans les bacs, bande de Zoulou. Peut-être que les producteurs veulent réagir. Hein, gros, on est d'accord qu'on doit. Là, attends, on est d'accord qu'on doit manger, etc. Après, t'as vu, moi, ce qui est regrettable, c'est les sites internet, tu vois, qui mettent nos albums 3 à 4 jours avant. Mmh. Ils respectent pas les artistes. Ces fils de pute là, ces mêmes fils de pute qui font que les artistes ils meurent de jour en jour, tu vois. Donc après, t'as vu, nous, il nous reste que ça. Donc voilà, on est là, y a rien. Si on fait un carton, c'est que Dieu il l'aura décidé, c'est tout. Et ça, nous on a fait le travail, on peut rien faire de bon, plus. Bah, ça commence bien en tout cas pour Miraculé, et on souhaite qu'il aille loin cet album, justement, écouter plein de morceaux différents. On a eu Viva Street, ouais. Juste avant il y avait Perdu aussi, donc. Voilà, mais voilà, j'ai envie de mettre une exclue, moi, et encore. On finit avec une autre exclue. Ouais, voilà, j'ai un morceau que j'affectionne tout particulièrement. Passe le salam à tous mes ennemis. Le morceau il s'appelle Ennemi. Extrait de l'album Miraculé. C'est extrait de l'album Miraculé, c'est produit par Thérapie. Voilà, on lui passe le CLM. Allez, c'est parti maintenant. Niro sur Skyrock. N-I-R-O. Miraculé. Passe le CLM à tous mes ennemis. Dédicace à Anas, Orly Zou. Orly choisit Vitry 9-4. 4-1. Plus rare qu'un astéophyte. Cette année, zéro fil. La rue sous le fils qu'un astéophile. 16 tracks, héroïne. On débarque dans la villa. Vodka, champagne, home sky et tequila. Invité d'honneur à se demander qui est celui-là. Je suis médiatisé comme la chatte à Nabila. Méga, c'est des parents, pas du sportif. La mixte a pleuré, fait mal et la décortique. Je vais prendre les pousser dans les sorties. Ouais. Numéro 1 sur Itune avant la sortie. Ouais. Numéro 1 sur Bitube devant la porte. Ouais. Ton rap et la rue toujours assorti. Ah. Toujours jalouse devant ton ordi. Ouais. T'avanceras jamais plus vite que l'ordi. Je retiens mes foot 3 de M16 et dans les tirs sur ce loup. Laisse les pépères, on prend les pépères. Le STX sa grand-mère l'hypopène. La rue, c'est nous. J'parle aux vrais qui sont concernés. Laissez-les croire qu'ils vous ont cerné. Et laissez-moi pas ça, l'homme vous permet. J'suis l'ennemi qui veut tout savoir. Pourtant j'ai pas trouvé la voie. J'prétends pas tout savoir. C'est chacun pour sa voix. Chacun pour sa voix. Chacun pour sa gloire. Coup de boulet sur le Lacoste. Pour nous la vie paraît c'est cool. Mineur on est plus sur les couilles. Traitons les protèges sur les côtes. Hein chinois. Passe le CLM à mes ennemis. Passe le CLM à tous mes ennemis. Passe le CLM à tous mes ennemis. Un chien qui m'écoute. Miraculé. Passe le CLM à tous mes ennemis. Passe-leur. Passe-leur. Passe le CLM à tous mes ennemis. Passe-leur. Passe-leur. Passe le CLM à tous mes ennemis. Vu que tu jettes l'argent par les fenêtres, je descends sur terre pour ramasser ton pute. Le rap c'est ma salope, va te faire enculer toi et ton buzz. Zou veut dire que j'étais le plus chaud dans le game quand je les ai portés. Reste en bas, ils vont t'escorter. Dépasse-les, ils vont plus te supporter. Poteau, ils prétendent tous être des vrais. Ouais, mais ils voient rien comme ils devraient. Faudrait qu'ils arrêtent de parler de moi ou m'arrêtent pas, je suis comme le progrès. Ils tentent la main alors qu'à la base t'as rien demandé. Réussi, ils vont t'en parler comme si tu l'avais mendié. Je peux pas changer les mentalités. Même avec mes quatre vérités, je suis traqué comme un sans-papier. Un animal en captivité. Que des dingueries quand je vois. J'ai jamais pu tourner là-haut. Poto, je préfère foncer dans le mur que demander de m'indiquer la route. Laissez pas les faire du bœuf. Tout le monde sait qu'on les baise, hein. Si je me nourris trop de leur haine, j'aurais de quoi mourir obèse. Baisse tous ceux qui m'ont vu monter pendant que je les voyais sécher. C'était un vrai, j'ai jamais triché. J'suis pas un rappeur, j'enfile tes clichés. Parle de moi, t'allèges mes péchés. Parce que c'est le mot tous mes ennemis. Parce que c'est le mot tous mes ennemis. Parce que c'est le mot tous mes ennemis. Laisse tomber mon vieux. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Hein, miraculé dans les bacs. Donc parce que c'est le mat mes ennemis. T'inquiète même pas, si on est là, c'est pas grâce à toi, Zulu. Celle-là, c'est pour tous les haineux, tous les jaloux. Gardez tous la pêche, étouffez-vous avec. Miraculé. Street lourd, Teddy Corona, Mista Flo, DJ Mosco. Et à tous les frères qui soutiennent. L'album est dans les bacs. Parce que c'est l'aime à mes ennemis, Zulu. Souhaite leur bon courage, voilà ils en auront besoin. N-I-R-O Street lourd, à tous les frères de BBS, Bello IS. Niamo. Le morceau s'appelle Ennemi, vous le retrouvez sur l'album qui est sorti aujourd'hui, Miraculé. Ouais. Avec c'est l'un de mes morceaux préférés, celui-là, je l'affectionne. Tout particulièrement. C'est un gros morceau aussi de l'album, mais il y en a plein d'autres hein, sur l'album. Ouais, il y en a pour tout le monde. Il y en a un peu pour tout le monde. Voilà. Non, vraiment, je pense que vous devriez apprécier cet album de Niro qui est sorti aujourd'hui. Vous le téléchargez légalement, si possible, on a compris. Légalement, ouais, comme voilà, on a cela va de pour soi. Ceux qui peuvent, comme cela va de soi. Cela va de soi. Cela va de soi. Et juste avant de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre les premières places pour la première tournée française de Black M. Lorraine de Bordeaux, ça va bien, Lorraine? Oui, ça va très bien, et vous? Bah écoute, en pleine forme, prête à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, prête. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, Lorraine. Stop! Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah voilà, tournée de Black M, deux places pour aller voir Black M du côté de Bordeaux, Lorraine. Merci beaucoup, c'est super sympa, merci. Et bah merci à toi, passe une bonne soirée, bisous Lorraine. Bah vous aussi, bisous, bonne soirée. Ciao, ciao. Niro, merci pour ce très beau début de Planète Rap. Merci à vous. Et puis bah j'espère que les gens ils vont supporter, voilà, pour de vrai. Merci de nous avoir reçus. En tout cas, la prochaine fois, c'est toi qui ramène tout l'attirail. Donc demain soir. Demain soir, pourquoi pas. Demain soir ou en fin de semaine? Comme bon te convient, mon petit. On va voir si on s'en remet déjà de celle-ci. Ce soir. On va essayer de s'en remettre. Ouais, paix à tous les frères et sœurs qui nous suivent depuis tout à l'heure, qui envoient des messages. Voilà, je vous remercierai jamais assez. Grand merci à vous. De l'amour, il y a de l'amour. Il y a que de l'amour. L'amour est vrai pour de vrai, voilà, vrai pour de vrai. J'ai pas vu un message de haineux, donc voilà, alhamdoulilah, pourvu que ça dure. L'union fait la force, je le répète encore une fois. D'ici la semaine prochaine, on saura à peu près le score qu'on a fait en première semaine. On est ensemble. Donc j'invite tous les frères et sœurs à aller chercher l'album, qu'on leur fasse un vrai score, on arrache tous sa mère. Tous ensemble. Et à ce moment-là, ils nous prendront au sérieux, Inch'Allah. Merci à toi, Niro, merci à l'équipe de Street Lourd, Mistaf. Et à tous les frères et sœurs qui sont venus à mon Sosramucho del Nino Brown. Nino Brown, Nino Brown qui est là. Bon travail, Péo. Attends, parce que j'ai beaucoup de monde à dédicacer. Bismillah. Donc alors, dédicace à mon Sos qui va arriver aussi. Ramucho, dédicace à mon Sos Mishtax, dédicace à Defou, dédicace à Soufiane Nabil. Anas, Badis du 94, Nebulus, dédicace à mon sauce Nino Bon, Smith, Johnny, dédicace à Mez, à José, Baby, à Bibi, Bay, oh, et surtout Nadou, dédicace à Street. C'est peut-être pas une bonne idée. Vas-y, laisse tomber, on en a trop. Dédicace à tous les frères qui sont incarcérés, c'est le plus important. Dédicace à tous les frères. HB, Fred, ma gueule. HB, Fred, on est là, la famille. Renaud, j'ai vu. HB, non, il veut. Merci à vous. Dédicace à Pookie, Killer, Ndoki, à la famille Ndoki, Dédé Long, Bitch. Jifou, est-ce que tu es là? Oui. Voilà, parce que c'est un moment. C'est l'union fait la force, Niro fait la force aussi ce soir. Pour la Submission Team aussi. La mauvaise idée de dédicace à la fin. Je vais faire les dédicaces au milieu en fait. C'est pas bête ça, Fred. C'est une bonne idée, je trouve. Ah, bah c'est la tradition. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. On arrive chez toi. On va faire que des dédicaces. On prévoit ça pour la fin de la semaine. À la bien. Bah merci Niro, merci en tout cas pour cette première Planète Rap. Et c'est vrai, t'as raison, les messages forts. Il y en a un paquet. Ouais. Regardez. Tous les messages. On salue Sofiane, 2-7, on salue Ahmed, Damien, Luna, les messages qui défilent. Putain, je peux pas tous les citer parce que là, je peux aussi lire les messages jusqu'à minuit si tu veux. Ah, mais là, tu me coupes dans mes dédicaces pour faire tes dédicaces. Mais c'est les tiennes, Niro. C'est celles qui arrivent, regarde. Ah, d'accord. Tes messages à toi, regarde. Sur Skyrock, là. Ah, bah voilà. Il vient de découvrir. Merci à vous tous, voilà, paix à vous tous, que la paix soit avec avec vous, Inch'Allah. Eh ben merci Niro. On te retrouve demain, demain juste avant 20h pour Planète Rap. Ouais, et c'est toute la semaine comme ça en plus, ça va pas louper. Eh ben ça... je vous promets pas de tenir jusqu'à vendredi. Hein. Mais si Fredo, t'es fort. Mais si Fred, on va te donner des vitamines. Fort, hein. Vous voyez, là, vous voyez, là, la touffe, il a la barbe, elle est grise. Ouais. Moi je croyais sortait de prison quand je l'ai mis. Bah c'est ça, c'est son nouveau look. C'est Fredo en mode Niro cette semaine. C'est ça. On va raser tout ça. Eh ben merci à vous. Nous on arrive tout de suite pour la Radio Libre. La Radio Libre en direct. C'est parti. Salam alaikum. Yes, à demain. Et à demain. Demain pour Niro. Et tout de suite pour la Radio Libre en direct sur Skyrock. C'est parti. Salut Fredo. À toutes. Ciao. Envie de mater la coupe du